Trois balises précèdent le passage à niveau. La première comporte trois bandes rouges. La seconde n'en a plus que deux et la dernière une seule. Elles sont espacées environ d'une cinquantaine de mètres les unes des autres. Ne pas confondre les balises de passage à niveau avec la signalisation permanente d'un obstacle. La balise est bleue et blanche. Quant aux balises d'alignement qui signalent les obstacles temporaires, elles sont de couleur rouge et blanche. Réponse C.